c'est Coco Niboma, le beau vieux temps. Osaligne en sopona zokana motema. Nangai sûrement ezali libakouya la vie. Nazoki na motema, oh mwana mama. Na motema, oh oh na motema. yeah, yeah.